17h06 sur France Inter. Oula, je suis vraiment désolée, Charline, je vous rends l'antenne avec un chouïa de retard. Oh, et en plus, oui, je vais vous dire, Hélène Chevalier, j'ai entendu que la bourse était en petite baisse. Oui. Ça nous fait mal. Hein. Ah bah, j'imagine. On va pas bien. Non, bah, nous, quand la bourse est à marée basse, vous savez, on a le cœur à marée basse aussi. On n'est pas bien, on est fébrile. Donc, je sais pas, on va faire comme vous, on va mettre ça dans un tiroir pendant une heure. On en reparlera demain. C'est ça. Hein, en espérant qu'elle soit en hausse. Courage, Hélène Chevalier. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. On espère, hein, on croise les doigts. En attendant, écoutez ce qui s'est passé ce matin, comme chaque jour, en conférence de rédaction. Salut les amis. Ça rigole aujourd'hui. Ouais. Ça tombe bien parce que je voudrais justement faire une petite mise au point. Attends, j'attends pas. Moi j'arrive dans le bureau et puis tout le monde rigole. Non, mais silence. Laissez-moi terminer. Mais il n'y a pas de mais. La rigolade, c'est un truc qui se prépare dans le plus grand sérieux. Okay. Quant au contenu, je le veux irréprochable. Okay. Quand je rentre dans ce bureau le matin, je veux qu'on lise la presse. Ben oui, justement. Est-ce que j'ai mentionné que c'était le moment des questions? Non, c'est vrai. C'est bien ce qui me semblait. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, madame. Ah, voilà, merci. En fait, c'est pas juste une remarque qu'une question. En fait, on était en train de lire la presse. Oui, bien sûr. Plutôt l'édito du Figaro, j'imagine, qui vous fait en rire. Mais non, c'est pas ça. Non, on lisait Charlie Hebdo, le nouveau. Eh oui, il est sorti. Ben oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Lisez la presse. C'est ce qu'on fait. Oui, c'était pas un rire de gens qui réfléchissent au dessin. Non, vous aviez un rire de gens normaux. Oui, moi, j'ai pas senti l'analyse. Voilà, votre rire manquait de plus-value. Oui, alors, pardon, Charline, j'ai une question qui me vient. Oui, Guillaume, je t'en prie. Est-ce qu'on pourrait dire que sur ce coup-ci, tu es de très, très mauvaise foi? Bonne question. Oui, je crois qu'on peut le dire. Voilà. J'ai voulu garder la face. Mm-hmm. J'ai été de mauvaise foi. Oui, ok. Voilà, merci beaucoup. Mais en échange de mon honnêteté, que j'espère que vous avez apprécié. Oui, super. Je propose qu'on oublie ce moment, ok? D'accord. Voilà, c'est bien. Très bien. Très bien, merci. Bon, passez-moi Charlie. Là. Voilà, il est là. Et on a bien rigolé, tu vas voir. Ah oui. Ah bah oui, mais on sent la plus-value. Directement là. Grosse plus-value. Peut-être trop. Bonjour à tous les auditeurs de France Inter, c'est vous, notre plus-value. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui renvoie l'actualité au vestiaire et voici les trois infos qui vont passer une grosse mi-temps jusqu'à 18h. Toute grosse mi-temps, hein. Charlie Hebdo prend un nouveau départ. Il renoue avec la périodicité. La rédaction est toujours hébergée chez Libération. Ses caisses débordent et sa communication est bien prise en main. Bref. Écoute, on est nourri, logé, baisé. Excuse-moi, moi je suis que nourri, logé. Manuel Valls parle vrai. Manuel Valls, il appelle un chat l'apartheid. Il détonne puisqu'à force de langue de bois, la politique est devenue une langue morte. Vous parlez pas latin? Ah vous n'êtes pas tout le temps parlé latin ou... Non, mais... C'est vrai, vous êtes resté simple, puis c'est vrai... C'est ça que je dis. À Paris, les Vélib sont réparés par ceux qui les ont volontairement abîmés ou volés. Ça s'appelle la réparation pénale. Plutôt que de payer une amende, la punition est formatrice en atelier. Primo Loanel, vous allez me conjuguer pour demain. À tous les temps, de l'indicatif, du conditionnel et du subjonctif, je dégrade les murs de la classe et je malmène la prosodie française. Et pour mixer ces trois infos, tel un DJ de la blague, je suis accompagné d'Alex Vizorek. Mais bonjour Charlie, nous avez un rire communicatif. Et autour de la table, pour rire de vos bonnes boutades, à 17h20, il est de retour l'homme qui est à la base de la légende du Dahu. Vous savez, cet animal qui a des pattes plus courtes à gauche qu'à droite. Eh bien, un jour, il en a croisé un à Chamonix. Il a commencé à lui faire une chronique, l'animal s'est retourné et est tombé. C'est André Manoukian. Ah, ça fait plaisir de rentrer de mes Alpes pour entendre ça. Bonjour Alex, bonjour Charline. Je vais vous parler aujourd'hui de Mélanie Di Biasio et de la figure de l'archange. Une Belge, si oui, je ne me trompe. Mais oui. À 17h40, Clara me manque toujours énormément, mais il la remplace comme il peut. Celui qui aujourd'hui n'est pas journaliste, mais théologien. Et d'ailleurs, rien que le fait qu'on le laisse parler sur une radio publique tend à prouver qu'il existe un dieu. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi je me suis intéressé à un vaste sujet, en effet, la religion. J'ai discuté avec des catholiques, des juifs, mais aussi des musulmans, dont certains ont un avis sur Rachida Dati. Elle a quatre cerveaux comme Napoléon. Rachida Dati est comme Napoléon? Oui. Ah, saviez pas ça, hein. Voilà. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous êtes né sous Mohamed V, car vous êtes né au Maroc. Sous protectorat français, vous publiez votre premier livre, Le service militaire au service de qui, en 73, l'année où Marlon Brando refuse de recevoir son Oscar pour Le Parrain. alors que Mario Cotillard n'était pas né. Il n'y avait aucune crainte à avoir de le recevoir de ses mains avec un long discours. Vous recevez le prix Renaudot pour chagrin d'école en 2007, quand Michel Polnareff nous cause beaucoup de chagrin aussi, à cause de son retour sur scène après 35 ans d'absence. Vous êtes, je vous laisse nous le dire... Votre référent. Oui. Vous, d'ailleurs, il serait de bon temps que vous m'appeliez mon référent. Oh, chacun oui, d'entre vous on devra m'appeler mon référent. Mais oui, mais qui êtes-vous ? Pénac. Ah, mais voilà. C'est Daniel Pénac. C'est Daniel Pénac. Je me suis trompé de fiche. Allez, on commence. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Mon référent, merci d'être là. Chez Folio, reparaît ancien malade des hôpitaux de Paris. Je vous engage à le relire, mais aussi à aller voir au théâtre bientôt Olivier Saladin, dans une mise en scène de Benjamin Guillard. Ce sera à partir du 21 mars au théâtre de l'Atelier. Ce n'est pas qu'à Paris, parce que je vois que vous serez à Saintes les 12 et 13 mai, enfin du moins Olivier Saladin, donc ancien malade des hôpitaux de Paris. C'est un texte qui était paru une première fois en 2012, c'est cela dans le sixième continent. Comment est-ce qu'on fait réémerger du continent ? Non, c'est sa parution en folio, parce qu'il était, vous savez, chez Gallimard, on passe en blanche et ensuite en folio. Ah, ça marche comme ça. Mais il a été surtout publié une première fois en 2002 dans un collectif. Un collectif qui était le bicentenaire de l'internat des hôpitaux, qui a été inventé... Par qui ? Allez. Ben, Rachida Dati. Qui a combien de cerveaux ? Quatre. Bon. Et Napoléon, combien il en avait ? Au moins 3,5. Pareil, si Rachida. Bon. Et il a imaginé ça, je ne sais pas, pendant une bataille quelconque, parce qu'ils étaient un truc en même temps. Le statut de la Comédie française, il l'a imaginé à Moscou pendant que Moscou cramait. Ah, il s'ennuie un peu. Il a dû penser à Néron, du théâtre. À l'incendie de Moscou, il a imaginé le statut de l'Académie française, de la Comédie française. Et donc c'est Olivier Saladin qui va jouer ce jeune médecin. Olivier Saladin, il y a une communauté d'esprit, c'est un peu votre famille d'esprit avec Olivier Saladin, les des chiens. Ça, c'est important, j'imagine. Vous vous sentez des chiens ? Oui. Dans le style vestimentaire, je veux dire. Vous êtes impeccable, mon référent. Vous êtes impeccable. Bah, vous aurez ma bénédiction. Oui, oui, je les aime beaucoup. Là, je dis ces quatre-là parce qu'en réalité, ils étaient beaucoup plus nombreux. Ouais. Un jour, j'ai assisté, du temps où ils faisaient les déchiens, j'ai assisté à une répétition. C'était dingue. Ils arrivaient sur un petit... Il y avait une petite... Comment, je fais des cheveux, hein, un petit plateau, un piano, un frigidaire. Rappelez-vous, il y avait ce volet qui se levait, c'est ça. On leur lançait un os, tiens, un thème, n'importe quoi. Et en 5 minutes, ils se mettaient à déconner sur le thème, la sauce prenait, et à la 6e minute, tout le monde était écroulé de rire. C'était incroyable, c'était instantané. Donc rien n'était écrit, n'en foutez pas une. Rien n'était écrit. Oh là là. Rien. Elle est belle, écrit. La France. Eh bien, parmi les phrases qui seront prononcées par Olivier Saladin, il y a une que j'aime beaucoup. C'est ce jeune interne, il est aux urgences, il est dans une nuit de doute et d'obsession aussi de sa carte de visite. Et il dit, à un moment, dans un gros moment de doute et de remise en question, il dit, je suis un jeune con en somme, je n'avais pas encore creusé mes fondations que je me prenais déjà pour ma statue. Ça, c'est fréquent. C'est mon référent qui l'a écrit, Daniel Pénac. Mon référent, votre référent. Non, ancien malade des hôpitaux de Paris, à relire aussi en folio, il reparaît. Et puis vous mettez aussi à la BD, Daniel Pénac, va paraître chez Dargaud au mois d'avril, un amour exemplaire avec des dessins de Florence Sestal. Sestac. Ah, Sestac, c'est la Sestac, c'est comme l'Estac marseillais, mais avec un C, c'est la Sestac. Florence Sestac, qu'est-ce qu'on va trouver dans un amour exemplaire ? Comment est-ce qu'on... L'histoire de mes voisins quand j'étais gosse et qui vivaient un amour exemplaire, c'est-à-dire absolument infréquentable par la bourgeoisie environnante. On leur reprochait, ils ne travaillaient pas, ça faisait mauvais genre, ils n'avaient pas d'enfants. Très mauvais genre. Et quand moi... Pour l'instant, c'est un peu comme nous. J'allais chez eux. Vous me paraissez exemplaire. Et quand j'allais chez eux, je disais, mais Jean, pourquoi tu travailles pas ? Et il me disait, mon garçon, en amour, le travail est une séparation. Et je disais à Germaine, mais Germaine, pourquoi vous n'avez pas d'enfant ? Il disait, mon petit, en amour, pas d'intermédiaire. C'est beau, ça. Et lui gagnait sa vie en trichant aux cartes. Il avait gagné le minimum pour vivre avec Germaine en trichant aux cartes. Et Germaine était du lumpen, lumpen, lumpen, pauvre, pauvre, pauvre, pauvre. Et lui était un marquis. Un marquis viré de sa famille, qui avait perdu son marquisat parce qu'il était tombé amoureux de Germaine, qui était venue repriser les ourlets de la marquise. Quelle belle histoire. Et voilà, c'est un amour exemplaire. Voilà, avec donc Florence Sestac, ça paraîtra chez Dargaud au mois d'avril. Et comment vous avez choisi celle qui met en image et qui dessine? Florence, oui, Florence. C'est ma copine. Ah voilà, c'est copinage et compagnie, c'est simple que ça. Simple que ça. Ça marche comme ça. Ça fait 30 ans que c'est ma copine. Notre saint référent de la République. J'aime mettre saint et République dans la même phrase, j'adore. Alors, les référents peuvent avoir des copines. Vous l'ignoriez, ça. Vous en avez. Daniel Pennac est avec nous jusqu'à 18h. Dans Si tu écoutes, j'annule tout. On va parler de La belle langue de Manuel Valls, qu'il tourne beaucoup de fois dans sa bouche avant de parler sur France Inter. Allez, let's zip. Alex fait du batterie sur Rock and Roll, Led Zeppelin. C'est génial. Et moi, ils étaient pas ensemble sur la pêche de fin. Et moi, ce que j'aime, c'est d'avoir Jimmy Page quand on reçoit un écrivain à 17h20 sur France Inter. Oui, parce que nous sommes en compagnie de Daniel Pennac et autour de cette table. Eh bien, Guillaume Meurice, André Manoukian et avec nous sur Internet hashtag annule tout, Jean-Paul Thomas qui nous dit par exemple définitivement, j'affirme que Charline a le rire le plus excitant de la radio. Ah, il l'a dit. C'est perdu, voilà, vous avez été repéré. Oui. Alors je vais reprendre Roselyne mon sérieux. Roselyne Bachelot perd donc sa première place. Allez, avec Alex, on passe les infos à l'essoreuse, puisque chez nous, on fait la lessive en duo. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par un retour. d'un habitué des retours. Hein. Oui. Le salon de l'agriculture, c'est le retour de Nicolas Sarkozy. Ah. Il est revenu pour le plus grand bonheur de tout le monde. Oh, oui. Alors, il était beaucoup plus calme que l'année du casse-toi pauvre con. Notez que Hollande aussi, hein, il avait été de sa petite phrase célèbre au salon, exact, en disant à un enfant qu'il ne reverrait plus Sarkozy. Voilà. Oui, et d'ailleurs, Sarkozy a répondu à ça ce matin. Il y a un journaliste qui lui a rappelé cet événement. Et alors, on n'a rien coupé de ce que vous allez entendre. Écoutez le temps qu'il prend pour trouver la bonne vanne. Mais qui a dit qu'on ne me verrait plus ? François Hollande. Encore une promesse non tenue. Oh, bim ! Punchline. Oh, 3 secondes et demie, mais... Il est bon, le gredin. Ah bah, c'était drôle, c'était drôle. Et la suite de sa visite, ça s'est bien passé ? Oui, très bien. Enfin, son foie tenu. Alors, il a bouffé un peu de tout, comme tout le monde. Alors, il a même été au stand McDonald's, où il a fait une confidence rigolote sur les goûts de Carla. Écoutez bien, le son n'est pas très bon, donc on lui demande à choisir entre... comment ça s'appelle ? Un macaron, un McDonald's, ou un Big Mac. Écoutez ce qu'il dit. Mais vous pouvez savoir, Carla, si on veut lui faire plaisir, je rentre... Elle me dit, achète-moi un Mac en passant, et j'allais juste faire ça. On est sûr que c'est pas un ordinateur. Non, c'est Sarkozy, achète-moi un Mac en passant. C'est l'information du jour, c'est que Carla bouffe du Big Mac. Carla bouffe du Big Mac, il faut croire qu'elle est aussi exigeante culinairement que matrimonialement. Voilà. Donc on reste à l'UMP avec le fameux questionnaire envoyé aux militants par Nathalie Kosciusko-Morizet. Exactement, et l'opinion dévoile quelques réponses à la question « Quel nouveau nom voudriez-vous donner à l'UMP ?» Il y a des chouettes propositions. Les Français d'abord étaient proposés. Ah. Restons Français aussi a été proposé. C'est joli, hein. C'est fleuri, c'est beau, c'est poétique. Il y en a d'autres ? Oui, alors il y a quelques propositions assez progressistes. Certains voudraient rebaptiser l'UMP RPR ou RPF. Heureusement que Nathalie Kosciusko-Morizet n'aura pas demandé un nouveau nom pour TF1. Ils auraient proposé au RTF, ou s'il fallait rebaptiser la France, la Gaulle aurait figuré en tête. Alors vous avez aussi des nouvelles de Silvio Berlusconi. Oui, et bien figurez-vous qu'il a obtenu une réduction de peine pour bonne conduite dans ses travaux d'intérêt public. Ah, voilà. Oui. Et c'était quoi ces travaux ? Eh bien, il devait se rendre tous les vendredis dans une maison de retraite de Milan. Tu m'étonnes qu'il soit bien conduit dans une maison de retraite. Oui, mais arrêtez de vous moquer. Ah. Silvio est un bon gars. Ah, un bon gras. Non, bon. Un bon gars, bon gars. Un jeu de mots. Voilà, passons à la Belgique. Oui, Alex, vous avez trouvé une info dont vous avez le secret, bien sûr. Oui, info, Daniel Pénac de la Voix du Nord. Un octogénaire belge a emprunté l'autoroute A10 avec son fauteuil roulant électrique à contresens. Il n'a rien. Je crois tout de même que c'est un beau plaidoyer pour l'euthanasie. Il a vraisemblablement envie d'y passer. Donc vous n'aviez vraiment rien de consistant pour la Belgique. C'est pas vrai. C'est pas gentil ce que vous dites. J'ai du très lourd parce que la France doit le savoir. Nous avons nous aussi acheté des avions militaires. Il n'y a pas que l'Égypte. Alors nous, on n'a pas acheté des Rafales, désolé. Mais vraiment, ça n'a rien contre vous, les Français. La commande a été un peu faite dans la précipitation. Écoutez le journal de RTL, la première chaîne belge. Puisqu'on parle défense, l'armée, vous le savez, va remplacer ces fameux C-130. Elle a donc passé commande pour des avions A400M Atlas qui seront livrés en 2019. Des gros porteurs, un peu trop d'ailleurs. Aucune base belge ne peut accueillir aujourd'hui ces avions hors normes. Il faudra donc investir 170 millions d'euros pour adapter nos infrastructures. C'est pas de bol, c'est pas de bol. Ah, et non, ça vous rappelle les trains de la SNCF. Sauf que nous, on a fait mieux. Ils sont doublement trop grands. 2 mètres en largeur et 3 mètres en hauteur. Nous sommes avec Daniel Pénac jusqu'à 18h. On envoie l'actualité au fond des filets et on va aborder le premier sujet qu'on pourrait lancer comme ceci. Accroche ton flingue à ma taille et c'est Charlie qui redémarre. Je sais qu'André aime quand je chante. Charlie Hebdo redémarre. Ou c'était juste voilà. Si, c'est très bien. Si. Non, vous avez un commentaire, André ? Non, juste... plus grave la voix et peut-être, mais attendez, on fera ça après. Voilà. Oui, on fera ça après. Hein. Parce que je peux vous la faire complètement demain, on peut la réécrire. Mais le son de respiration aussi. Mais d'accord. Donc Charlie redémarre, on va le faire sobrement, avec un livret triple A, un bon conseiller fiscal, une redoutable communicante. Y a-t-il des risques que Charlie devienne un peu Charles avec un supplément écho ou peut-être un Charlie Madame, on ne sait pas. Comment gérer la situation ? Nous avons posé la question à Harris, le nouveau patron de la rédaction. Oh, ça y est, moi. C'est fini maintenant. Je ne m'énerve plus jamais. Je reste calme, cool, face à tous les problèmes ou décontracté. Et plus particulièrement d'ailleurs, face aux problèmes de pognon. Non, c'était pas vrai, c'était Marc Jolivet. Alors Daniel Pénac, Charlie renaît avec une cuillère en argent dans la bouche. c'est la nouvelle phase de vie. Il y a un dessin très drôle en couverture. Dans le numéro qui sort aujourd'hui, bien sûr. François-Marie Bannière réussira-t-il à séduire la nouvelle première fortune de France? Et on voit un gars qui fait des grâces à Charlie. Exactement, c'est un dessin de Catherine. C'est un dessin de Catherine. Alors vous avez bien connu, évidemment, et vous connaissez encore bien ce qui reste de la rédaction de Charlie Hebdo. Non. Non? Non, ah, je connaissais. J'avais dîné avec Cabu un mois plus tôt, Charb, que je voyais pour la première fois. Et on avait découvert avec Cabu que chacun avait envie de connaître l'autre, mais qu'on était trop timide depuis 35 ans pour faire le premier pas. Donc, voilà. Et j'étais ami avec Tinius. Mm-hmm. Voilà. Et donc, comment voyez-vous ça, ce Charlie qui renaît avec une cuillère en argent dans la bouche, parce qu'on... Oui, il renaît avec courage aussi, parce que, bon, enfin, c'est toujours pareil, quand il faut, pour revenir sur ce sujet. Ils ont du courage, ils ont un courage absolument incroyable. Ça, enfin, bon, on va pas... Vous vouliez rire non, avec... Non, mais pas Daniel Pennac. Mais c'est un courage incroyable. Mm-hmm. Et c'est un courage pour presque pas de bénéfice, si je puis, en dehors du fric qu'ils ont reçu par la mobilisation générale des chagrins. Ça n'a pas l'air d'être leur moteur. Mais ce n'est pas leur moteur. Et c'est, vous comprenez, ils jouent leur vie pour des dessins, pour rien. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans un écrin qui aujourd'hui est particulier, parce qu'ils craignent justement quand même... Patrick Peloux dit par exemple, c'est un cauchemar, ces millions, ça peut nous tuer. Enfin, vous noterez le « ça peut nous tuer » avec les millions. Il y a deux possibilités. Il y a l'actionnariat, parce qu'on doit bien parler de ça à un moment, actionnariat redistribué, ou coopératif, ce serait une société des rédacteurs qui serait actionnaire du journal. Voilà, ils sont obligés de se poser des questions qui sont à 1000 lieues de leur ADN, etc. Donc il faut... Et puis de ce qui risquait de leur arriver dans la vie. Tout pouvait leur arriver, y compris l'assassinat. Mais tout d'un coup que Charlie se trouve comme ça. C'est en effet un comique sinistre, mais c'est en effet très drôle aussi. Le comique sinistre qui est tout à fait dans le dessin que vous citiez de Catherine, auxquelles vous avez échappé. Et le dessin de Coco aussi, formidable. Mm-hmm. Charlie Hebdo, bientôt de nouveaux locaux, et on voit un blocos dont une voix sort qui dit « avec vue sur la mer ». Exactement. Il y a des nouveaux entrants, comme Pétillon, par exemple, qu'on peut lire aussi dans le Parisien. Et puis il y a Dilemme, bien sûr, l'Algérien. Alors, vous évoquiez le courage. Justement, dans Aime le monde, Raphaël Baquet a fait un long reportage sur le Charlie qui renaît et explique que la crise de la presse a diminué le vivier des dessinateurs de presse, donc il n'y en a vraiment plus beaucoup, et que dans ce maigre vivier, ce vivier étroit, eh bien, beaucoup de dessinateurs ont décliné par crainte. C'est-à-dire, est-ce qu'il va falloir aller aux conférences de rédaction? Est-ce que je peux travailler de chez moi, etc. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, un jour, j'écoutais votre émission d'une oreille distraite parce que je faisais autre chose, mais je l'écoutais. Mais si c'est la bonne, c'est l'essentiel. Non, mais je l'écoutais quand même. Il y avait là un gars qui, au nom de son courage à lui, apparemment, se foutait de je ne sais qui, de Gay-Luc, en des termes extraordinairement insultants. C'était Babouche, le dessinateur de Charlie et de Luma. Vous êtes tombé sur la bonne émission, je le note. Et qui était-ce? Parce que c'était Babouche, dessinateur à Luma et à Charlie Hebdo. Et qui était, ouais. Et je me disais, j'étais pas d'humeur à donner des leçons de morale, quoi. J'étais pas d'humeur à donner des leçons de courage dans ce genre de circonstances. Mm-hmm. Moi, je suis pas d'humeur à faire la leçon quand des gens se font abattre brutalement comme ça. Je suis pas d'humeur. C'est drôle, hein, ça m'avait vachement choqué. Bon, mais enfin, il rebondissait au propos de Gueluc qui avait dit dans je ne sais quel média qu'il fallait arrêter les provocations, qu'un dessin pouvait être aussi une provocation. C'était surtout ça qui l'avait choqué, disait, parce que lui, il est dessinateur aussi. Il disait Gueluc, bah, il a la trouille, etc. Je me souviens de ça. Et bon, d'accord, supposons. Et alors? Et alors, t'aurais pas la trouille, toi? Moi, je serais mort de peur, effectivement. Dans Le Monde, Riz prend aussi un peu leur défense en expliquant qu'effectivement, il y a la peur qui est là et qu'il peut le comprendre d'une certaine manière. On va, rappeler le nom de ceux qui ont été gravement blessés aussi et qui essayent de s'en remettre. Simon Fieschi, le webmaster, Fabrice Lançon et Fabrice Nicolino qui écrit dans le dernier numéro de Charlie qui paraît ce matin. Lisez Charlie comme acheter la presse, les amis, acheter la presse. André Manoukian, il est 17h30. Comme on est heureux de vous retrouver. Moi aussi, je suis heureux à côté de notre référent, notre saint référent Daniel Pennac. Vous pouvez officier, André. Écoutez cette voix qui nous vient du ciel, Daniel. Écoutez, Saint Daniel, cette voix. Il est des figures éternelles, des figures de femmes qui peuvent nous marquer pour toujours. Des beautés archétypales et intemporelles. C'est quoi un archétype ? Une figure emblématique, une sorte de totem que l'on peut vénérer toute sa vie, à un point tel qu'on peut aller jusqu'à se le tatouer sur la peau. J'ai ainsi moi-même, dans une partie de mon anatomie, deux prénoms gravés sur ma chair la plus tendre. Ludwig van d'un côté et... Le vôtre, Charline. Parce que je m'appelle Van aussi. Quand l'objet de ma douleur est déployé, on peut voir que oui, j'aime les Van passionnément. Van Beethoven, Van Honecker, Van Houten aussi, mais il n'y avait plus la place. Allez, revenons à cette demi-déesse, cette demi-italienne, demi-belle, demi-vestale, demi-sorcière, mais vraie princesse antique et envoûteuse à part entière, Mélanie de Biasio. Mais qu'est-ce qu'une envoûteuse ? C'est par l'action qu'on définit une envoûteuse et paradoxalement, on lui voit faire aucun effort lorsqu'elle est en travail. L'envoûteuse exhale une humeur, dégage un parfum, déploie des volutes de chant, mais surtout d'être. Tout en attrapant la fumée des encensoirs de ses fans transis par de lents moulinets de ses bras nus pour s'en faire un cache-colle, Mélanie de Biasio, vous l'avez compris, non seulement je suis amoureux d'elle, elle est blanche, elle est héroïne d'un film noir des 50s, elle lève la tête et quand elle chante, elle lance des incantations à ses frères, les dieux de l'Olympe. Ça n'est pas à nous qu'elle s'adresse, elle porte son verbe beaucoup plus haut que le niveau rase bitume de nos oreilles de mortels. Aucune flagellation là-dedans, simplement un constat. Dieu, que le fatum est beau dans la bouche de Mélanie, Dieu, qu'elle sait rendre belle nos tragédies humaines. L'inspiration, c'est le plus beau mot de la langue française. Ma définition à moi... C'est quand on se connecte à l'au-delà en respirant le monde. Une fois passé dans nos poumons et jusque dans la moindre cellule de notre corps, il est restitué sous forme de chant. Du moins, c'est la définition qui me vient en écoutant Mélanie de Biasio restituer le monde avec ses cordes vocales. Lorsqu'elle est en panne d'inspiration, Mélanie, elle laisse tout, ses musiciens, le studio, et elle s'en va travailler en milieu carcéral, par exemple. Ah bon ? Ouais, comme pour se frotter à des concentrés d'énergie humaine, à du réel, à du concret, à de la matière, et puis revenir ensuite, chargée des peines des autres, nous consoler de toute nos petites misères quotidiennes. Ça n'est pas neutre pour elle de chanter. Voix basse de mezzo-soprano, cette pitié postmoderne s'est entourée cette fois-ci d'une prêtrise impeccable des remixeurs les plus pointus de la planète. C'est ça qu'on écoute. En fait, elle nous a refait 8 versions de ses titres remixées par ces gars-là sous la houlette de Giles Peterson, l'inventeur du mouvement acid jazz qui, dans les années 90, remit le swinging London au goût du jour en remixant le jazz Blue Note des 60s. La belle Mélanie renoue donc avec une pulse de premier plan. La transe du jazz, Guillaume, est plus subtile, plus complète qu'une autre, car elle allie deux figures. Le mouvement ternaire des cymbales, tsing, tsing, tsing, tsing, tsing, tsing, tsing, qui est aérien, et le mouvement binaire de la grosse caisse, qui est aérien. Toum, toum, toum, toum, toum. Sur ce mouvement complexe, mais tellement sensuel, oui, je vois ce déhanchement imperceptible qui vous gagne, Charlie. Mélanie n'a plus qu'à poser sa voix, exhaler son charme pour nous transformer en ectoplasme, c'est-à-dire en membrane molle, ne résonnant plus qu'à la seule vibration de ses mots. On cherche le mollusque qui est en nous, là. Exactement. Le morceau qu'on va écouter maintenant est remixé par Chassol, ce musicien qui transforme tous les sons de la nature en notes de musique. La douce voix d'homme que vous allez entendre au début est en fait la voix de Mélanie pitchée, c'est-à-dire désaccordée vers le grave. Puis Chassol nous la restitue dans sa tonalité d'origine, comme s'il avait voulu nous évoquer la figure ancestrale de notre androgynité en ces temps très lointains où nous étions garçons et filles en même temps. Ça s'appelle « Sweet Darling Pain ». Somewhere. sweet darling babe, losing our wisdom for years. Treading in somewhere, rebels and slavery. Faked and so square. Cynical delivery. Sweet darling, shame. Your ketchup on soul. Sweet darling, shame. We're no living for. Need for understanding in time will pass on, but be treated in pure love. No time will pass on, but one time to lose, one time to win. As long as we're willing, one time to love, one time to leave. Mélanie De Biasio, Sweet Darling Pain. Alors ce qui est classe, c'est que c'est un album de remix et j'ai choisi le seul titre où il n'y a pas de batterie. Oui. Pour un remix techno. Ben ouais, c'est ça. C'est la... Vous êtes surprenant, André. Mais non, mais c'est pas que j'aime pas les batteurs, mais c'est que le rythme était suggéré. Vous n'aimez pas les batteurs, André. Non. Vous avez dit que c'était pas des musiciens. Mais non. Bon, si. Ça vient de où? Expliquez-nous. Ça vient de l'enfance. Vous avez dit qu'il fallait les pendre, André. Non. C'est un instrument un peu plus. Qui a l'air plus rudimentaire comme ça, mais en fait, il faut une sacrée indépendance des membres pour en jouer de la batterie. Voilà. L'indépendance sans des membres. Transition. C'est un peu comme pour cette équipe, quoi. Si vous batterie. Voulez, chacun a son rôle particulier. Voilà. Là, c'est un bras gauche, bras droit. Notre référent est consterné. C'est Daniel Pénac. Est-ce que vous pouvez le réveiller, André? Mettez-lui un petit coup là sur la il tête. Il a vu de la lumière pendant le titre. L'envoûtement, c'est un bon signe. C'est vrai qu'il y a un auditeur qui a tweeté son chat en train de bailler. De bailler, voilà. Il dit réaction de mon chat à l'écoute d'André Manoukian. Allez, hop, on va se réveiller. On est ensemble jusqu'à 18h avec Daniel Pénac et on renvoie l'actualité au vestiaire, alors qu'on l'avait préparé et mis sur le terrain avec Nathalie Romero, Claire-Sophie Collet et Benjamin Riquet à la réalisation. Le sujet 2, Manuel Valls malmène la langue de bois avec des mots forts. C'est ce que nous dit l'Express cette semaine à travers l'analyse du sociologue Denis Musée. La langue de bois aurait fait de la politique une langue morte. Pensez-vous que la baisse du dollar et du pétrole soit une bonne chose pour notre économie ? La déflation conjuguée des hydrocarbures et du billet vert est-elle susceptible de rééquilibrer notre balance économique ? Eh bien, pour ma part, je suis convaincu que le biorhythme énergétique dans les pays du Golfe Persique... Ce n'est pas une poignée de marchands de tapis coiffés de marchands de carreaux. Et l'infléchissement prévisionnel du marché d'échange priorisant l'indicateur de Wall Street... Ni le chantage mielleux d'un ex-cowboy en pleine ménopause... ne saurait impliquer, à mon sens, le moindre corollaire d'interprétation négative. Qui vont venir faire la loi chez nous, non mais ça me Blandine Métayer et Serge Yado dans un sketch sur la langue de bois. Daniel Pénac, la politique, vous êtes d'accord avec Denis Musée, le sociologue, qui dit que la politique est devenue une langue morte? C'est un débat qu'a lancé aussi hier, nous recevions Robin Renucci, et il disait finalement on ne comprend plus rien à ce que nous disent les politiques. Denis Musée dit langue morte, et ça génère même une oreille morte, une oreille de bois. Non mais c'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est que globalement, il ne nous réveille pas, quoi. Mm-hmm. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que quand on entend Emmanuel Valls pousser... Manuel Valls, pardon. C'est un mélange d'Emmanuel Macron et Emmanuel Valls. Oui, c'est vrai. C'est de là que ça vient, à mon avis, votre lapsus. Pousser un coup de gueule, tout le monde en parle parce que il y a eu du réveil dans l'air. Ne serait-ce que pour le critiquer ensuite, pour le reprocher, etc. Donc ça veut dire que le vocabulaire peut encore réveiller. Mais oui, dès que ce qui se dit correspond tant soit peu à ce que le gars qui le dit ressent, on se réveille. Sinon, c'est la moulinette. Ça ressemble un peu à la musique de tout à l'heure que j'entendais dans mon coma. Mélanie De Biasio. Mais j'étais bien dans le coma, c'est ça le truc, c'est l'extase. C'est vrai que ça ressemblait à un discours de Jean-Marc Ayrault. Mais j'allais le dire, parce que niveau langage, Manuel Valls là, est vraiment opposé à Jean-Marc Ayrault. Voilà. En même temps, Ayrault, on l'écoutait pas, on s'endormait, donc c'est bien normal. Manuel Valls qui dit par exemple apartheid ou islamo-fascisme, un mot qu'il prépare qu'il préfère à islam radical, parce que vraisemblablement, d'après l'explication de Denis Musée, radical n'est pas assez connoté négativement. Est-ce que vous vous rappelez comment les nazis ont installé leur pouvoir ? T'es pas né. Eh ben, c'est pas une raison pour pas s'en souvenir. Ah oui, c'est ça, justement. Je vous dis, est-ce que vous vous rappelez ? Justement, vous devriez vous en souvenir. Ça devrait, par les mots choisis. Votre par... existence prénatale aurait dû enregistrer ça. Un, ils se sont alors fait... mon référent, racontez-nous. Un, ils se sont fait élire démocratiquement. Et deux, une fois élus, ils ont installé leur pouvoir en tuant tout le monde. En tuant, en assassinant. Ça veut dire un amphi de droit tenu par un juriste connu, démocrate, réfléchi, etc. Des mecs en uniforme rentrent, collent une balle dans la nuque du juriste. Un matin, ils décident d'éliminer tous les cadres du Parti communiste. Ils éliminent tous les cadres du Parti communiste. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'on se passera du langage. Non, c'était aussi simple que ça. Or, ce que nous voyons en ce moment, c'est des types qui rentrent dans une rédaction et qui tuent tout le monde, qui est ici, parfaitement désarmé, des gens qui, en Afrique, éradiquent des populations entières de village en village, et on va, pour désigner ces gens-là, reprocher à Valls de parler de... D'islamo-fascisme. Mais dans ce cas précis, c'est ça. Mm-hmm. Et c'est même pire que ça. Et donc, il dit là, il résume là, une situation qui est une situation de pure violence, terrorisante, exactement ce qu'ont fait les nazis en s'installant. Bon, par conséquent, moi, personnellement, le mot ne me paraît pas déplacé. Et donc, dans une situation d'une telle gravité, la responsabilité politique est aussi de briser la langue de bois et d'appeler un chat comme Manuel. Non, mais d'utiliser en l'occurrence, il utilise la métaphore qu'il faut, qui convient. On peut après gloser, on s'en fout, c'est notre spécialité de gloser. Après, on discute sur les mots. Pour ne pas avoir à parler du réel, on parle des mots. Alors on dit, oh, il n'aurait pas dû, il y a des sensibilités. Après, oui, ça comme apartheid, par exemple. Bon, ouais. apartheid, qu'est-ce qu'il a dit ? Bon, j'en ai parlé l'autre jour, d'ailleurs, à France Inter. On ne va pas se répéter. Mais apartheid, c'est quoi ? Il veut désigner une situation d'exclusion qui est une situation de fait. De fait, on a jeté tous les pauvres hors des remparts de Paris et des autres villes. Et à contrario, Syriza, lui, édulcore ces termes. Par exemple, plutôt que de parler de Troïka, parle d'institution. Plutôt que de parler de mémorandum, parle d'accord. Et, pour dire ses créanciers, parle maintenant de partenaire. Donc, eux font le chemin inverse. Oui. Pour trouver un accord, il faut arrondir les angles par le vocabulaire. Ça, j'en sais rien. Écoutez, oui, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Alors là, on va là encore... Le nombre de gens à la place desquels on n'aimerait pas être... Ah, ça, je vous confirme. Je vous le confirme, Daniel Pénac. Et je vous engage à relire, tiens, ancien malade des hôpitaux de Paris, c'est Fandard, c'est Daniel Pénac, et ça reparaît chez Folio. Et tiens, si vous avez l'occasion aussi, si vous êtes à Paris, à partir du 21 mars au Théâtre de l'Atelier avec Olivier Saladin, et à Saintes les 12 et 13 mai. Beaucoup de demandes sur Facebook, Daniel Pénac, pour que vous annonciez le retour des Malozènes. Malozènes. Ouais. Ouais. Ouais. Voilà. Je transfère, hein, moi. Je... Non, mais on va. J'ai pas cessé de les fréquenter. Hein. Ah bah, c'est voilà. J'informerai notre de Gaulle. Avec nous à cet instant sur France Inter, c'est le moment Meurice, notre envoyé très très très spécial dans les rues de Paris aujourd'hui. Effectivement, Charline, je suis en plein doute métaphysique. Ah, enfin. Oui. Mais oui, ça tout arrive, Dédé. Je me pose des questions sur Dieu. Comment a-t-il pu créer à la fois Monica Bellucci et la Twingo Diesel, à la fois la physique quantique et Jean-Marc Morandini, à la fois l'élégance et Alex Vizorek ? Ça me paraît louche. Il y a beaucoup de contradictions dans toutes les religions. Souvenez-vous, hier, j'ai contacté une association catholique qui pestait contre le site de rencontre extra-conjugale Glidden. Pourtant, Marie pour enfanter Jésus. Elle a forcément été infidèle à Joseph. Bah, c'est ce que d'aucuns prétendent. Les catholiques croyants pensent que Marie est toujours vierge, voilà. Oui, mais alors elle aurait pu peut-être rencontrer le Saint-Esprit sur Glidden également. Je sais pas, il faudrait demander peut-être au pape. Ah, excellente idée. Alors j'ai appelé le pape, mais il n'a pas daigné me répondre. Franchement, il a vraiment changé avec le succès celui-là. Hein. Il a pris un de ses boulards, le pape. Tant pis, je me suis intéressé à une autre religion, l'islam. Je me suis donc rendu devant la grande mosquée de Paris ce matin pour interroger des citoyens de confession musulmane. Vous avez toujours été croyant ? Ah non ! Ah ça, je peux dire, j'ai beaucoup erré. J'étais dans ma jeunesse marxiste-léniniste, tendance maoïste. Ah, ah oui. Oui, j'étais avec le PCMLF. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé alors ? Eh bien, moi, mon maître spirituel, c'était ma femme. tant la cruche va à l'eau qu'elle se casse. Attendez, la cruche, vous parlez de votre femme? Non, mais ma femme, elle était à Paris, elle était dévergondée. À Versailles, elle rentrait dans le moule familial. Ouais. Dès que je suis arrivé, ils ont voulu me convertir. J'ai dit, attendez, monsieur. Au catholicisme, alors, du coup? Oui. J'ai dit, ah bon, toi, t'es catholique, moi, je suis musulman. Plus musulman que moi, tu meurs. Ah, je donc vous êtes devenu musulman par opposition, par voilà, réaction. Pour emmerder ma femme. Voilà. Ça, c'est une vraie bonne raison de devenir musulman. Et oui, bien joué, bien joué. Un musulman, ça peut être également utile à autre chose. Je suis allé en voir un autre. On a vu que François Hollande, il remontait beaucoup dans les sondages quand il y avait une crise, quand il y avait une guerre, quand il y avait des conflits de communautés. Alors, est-ce que vous pouvez dire du mal des juifs? Comme ça, ça va créer un conflit et François Hollande va remonter dans les sondages. Je n'ai aucune raison de dire du mal des juifs. Mais la bonne raison, c'est pour faire remonter François Hollande dans les sondages. Et jamais vous ne m'entendrez dire du mal de qui que ce soit faisant partie du Premier Testament, du Deuxième ou du Troisième. Bon, alors là, je me suis méfié parce que moi, je crois bien que je ne fais partie d'aucun de ces livres-là. Moi, mon livre de référence, c'est plutôt Le journalisme pour les nuls, écrit par David Pujadas. Enfin, il a écrit la partie nulle, hein, pas la partie journalisme, évidemment. Bon, du coup, je me suis éloigné et je me suis rendu dans le quartier juif de Paris, rue des Rosiers, plus précisément, pour demander la même chose. Dire du mal des musulmans, moi personnellement, je suis pas d'accord avec Monsieur Kuckerman, que je trouve vraiment insupportable et qui parle au nom de tous les juifs de France. Et c'est complètement immoral de dire du mal des musulmans, c'est pas normal. Non mais faites-le pour François Hollande, le pauvre. Mais il est encore en train de descendre. Qui continue à descendre. Ah, bah oui, bah c'est ce qu'il va faire, notre ami François Hollande, qui représente autant les Français que Roger Kuckerman représente les Juifs, ou que Pascal Obispo représente les chanteurs à texte et à franges. Tant que j'étais dans le quartier juif, j'en ai profité pour me renseigner sur l'existence de Dieu. Dieu a toujours existé, mon cher monsieur, depuis que la Terre est... Depuis que la création du monde, Dieu existe. Oui, mais si ça se trouve, non. Ah, pour vous, mais pas pour moi. Non, mais attendez, je doute, si ça se trouve, on vous a menti. Ah, et vous, peut-être, mais pas moi. Vous êtes sûr de votre coup? Oui. Mais comment vous pouvez être sûr à ce point-là? Parce qu'on est sûr de nous. Il suffit de croire en Dieu pour que Dieu existe? Exactement. Mais moi, je crois aux licornes. Est-ce qu'elles existent? Bah, pourquoi pas? Ah, d'accord. Il suffit de croire en quelque chose pour que cette chose soit réelle. Et ça, ça peut aider Bernard Tapie, qui semble croire en son innocence. Verdict donc prochainement. En attendant, je suis allé voir un autre citoyen de confession juive, croyant... Très croyant, je suis juif orthodoxe, ça s'appelle. Mais si Dieu n'existait pas? Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, imaginons. On ne peut pas imaginer des choses pareilles. H&M, nous on l'appelle H&M. Dès qu'il y a H&M. H&M comme le magasin de vêtements? Non, putain, H&M. Ah, H&M, pardon Dieu, en hébreu. J'avais compris H&M, moi je croyais qu'il voulait me vendre un débardeur fluo 12 ans. 12 ans, je ne parle pas de la taille du débardeur, hein, mais de l'âge de l'enfant qui l'a conçu, bien sûr. Vous voyez, il faut se méfier en termes de vocabulaire religieux, une confusion est vite arrivée. L'être humain, il est fait de deux choses, d'un corps et d'une âme. Malgré qu'on ne voit pas l'âme, on y croit, bon. Bon, l'âme, ça n'a rien à voir avec la chanteuse, l'âme, on est d'accord? Non. Parce que moi, j'y crois plus tellement en l'âme. Moi, je la connais pas. Ah, vous croyez plus en l'âme, alors, du coup? Ah, si. Vous voyez, c'est confus. Il faut faire très attention au vocabulaire. Rappelons qu'étymologiquement, religion veut dire relier. On imagine souvent que, du coup, la religion relie des humains entre eux. Mais relier, ça veut dire aussi attacher, entraver. Et ça, ça peut empêcher les individus d'avancer, de se rencontrer. Voilà, c'était mon sermon du jour. Merci de m'avoir écouté. Dieu vous le rendra. Désormais, j'en fais une affaire personnelle. Merci, Guillaume Meurice. Daniel Pennec, c'est du journalisme par l'absurde, mais on obtient des réponses. Hein. Oui, par les à peu près, mais ça, c'est de l'à peu près assumé. C'est ça qui est bien. Alors, ça crée des résultats marrants. Vous assumez, Guillaume Meurice? J'assume complètement mon à peu près. J'aurais appris que H&M, ça veut dire Dieu et pas H&M, forcément. Oui, oui. L'à peu près assumé, c'est ce qu'on fait un peu tous les jours dans cette émission. De toute façon, Daniel Pennec, je préfère vous dire. Par contre, il y avait un truc. Il suffit d'y croire pour que ça existe. On n'est pas loin de prouver aujourd'hui qu'il y a quelque chose de cet ordre qui pourrait se passer. En fait, les quand licornes, au niveau des licornes. Quand on projette très fort. Au niveau des chanteuses sans voix. Le psychisme humain est tellement fort que... Alors, le vôtre, André, le vôtre. Non, il est dit que bientôt la pensée se matérialisera sans l'intermédiaire d'une création. Ça, c'est un truc qui m'intéresse assez. Ils vous ont laissé sortir ou vous êtes échappé? Ben, c'est-à-dire, j'ai pris trop d'altitude, là, tout d'un coup, je reviens du Mont Blanc. Vous avez compris, Daniel Pennec, vous êtes tombé dans une émission à la fois d'information, de culture, de philosophie. On parle un peu de il tout. Il est dit, qui est ce il? C'est un c'est gros de bouquin comme c'est ça qui s'appelle La Cosmogonie. l'agonie des Rose-Croix, il faut fumer beaucoup pour le, pour le lire. Pour le lire. Vous êtes sur France Inter, néanmoins, toutefois. On passe les menottes à l'actualité et c'est Daniel Pénac qui a les clés. Troisième sujet, si vous cassez un Vélib au lieu d'une amende, eh bien vous serez envoyé en centre de réparation des Vélib. Une sorte de réparation pénale pour les jeunes qui se forment par la même occasion, au lieu de raquer. Un projet mené par la mairie de Paris. Fluidifier le trafic dans la rue et dans les tribunaux. Dans Paris, à vélo, on dépasse les taxis. Ça, c'est un chanteur. Ouais, d'accord. Dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, un petit jeu d'assin pour André Manoukian et son vélo pliable. Le dispositif s'appelle « Tu casses, tu répares », ce qui paraît un peu sec de premier abord. Et visiblement, ça marche. Il y avait notamment un reportage de la rédaction de France Inter ce matin, diffusé dans les journaux, où on interviewait des jeunes qui avaient volé ou abîmé volontairement un vélo et puis qui, pendant quelques jours ou une semaine, réparent dans un atelier et puis disent « Bon, bah là, j'ai plus envie de le casser parce que ça me passionne de réparer les vélos ». Le travail d'intérêt général, tiens, c'est une idée qui gagnerait à développer, Daniel Pénac. Non, mais ce qu'il y a de marrant dans cette histoire de Vélib, c'est notre, hein, la société marchande, c'est ça. Le truc que tu n'achètes pas, il n'y a pas de prix, donc tu peux le bousiller. C'est extraordinaire, ça c'est pas mal. L'autre chose, c'est que moi je préférerais aller en tôle. Parce que réparer un vélo, il me faudrait 40 ans d'apprentissage. J'ai essayé quand j'étais gosse. Vous n'avez jamais essayé de réparer un vélo? Remettre une chaîne, oui, par déjà exemple. Quand la chaîne saute, j'y arrive pas. Moi. 12 ans, rien que pour remettre la chaîne. Et vous n'avez pas envie de casser un vélo pour non, essayer de faire non, un stage? Non, je ne veux pas qu'on fasse de mal au vélo. Alors si vous cassez une Autolib, c'est la peine de mort, là, directement. Tenez, ça pourrait s'appliquer plus largement, hein, ces travaux d'intérêt général. Si les, c'est ce qu'on disait ce matin, parce qu'en conférence de rédaction, on ça réfléchit énormément. Beaucoup. Et on se disait, tiens, si les djihadistes ou ceux qui rentrent de Syrie étaient forcés d'apprendre le dessin et d'assister à une conférence de Charlie Hebdo, peut-être ça pourrait marcher aussi. Il y a le côté ou répression. Alors, vous seriez plutôt pour la répression, vous disiez, Daniel Pénac, moi j'irais en prison. Non, mais dans mon cas, parce que je sais pas ce qu'il me faut, 40 ans de formation pour réparer un vélo. Autrement, non, c'est très bien le principe, c'est très bien, tu répares ce que tu pètes, c'est normal, comme dans les familles. Voilà. C'est-à-dire ah oui. Vive la famille. C'est-à-dire ben, tu casses un ta truc. Ta petite sœur. Tu la répares. C'est la moindre des choses. Oui, c'était tu la jettes par la fenêtre, tu la remets, tu rassembles les morceaux et tu la réassieds à table. C'est une idée. Le seul problème pour ces stages de réparation pénale, c'est la liste d'attente qui est longue et donc les stages courts. Et donc là, on arrive évidemment aux limites du système. Ils ont envie de le faire, quoi, les gamins. Pas tous, hein. Il D'accord. paraît que ouais, ça se bouscule pas. Alors, il y en a qui préfèrent réparer pendant une semaine que de payer. Mmh. Voilà, c'est une bonne initiative. Hein. Et c'est le Vélib ou l'Autolib, c'est intéressant parce que c'est quand même le vélo ou l'auto, c'est quelque chose de très personnel au départ. C'est un bien et finalement qu'on partage avec les autres. Et voilà, c'est ça qui est beau, Charline. Philosophique. Passons plutôt à un sketch. Oui, Daniel Pénac, je sais que vous avez été comédien. Est-ce que vous acceptez un rôle? Alors, je vous donne le rôle de Patrick Balkany. Pour expliquer le contexte. C'est ce qui est en vert, c'est ce qui est surligné. C'est ce qui est en vert, votre rôle. Isabelle Balkany, ce sera Charline Vanhoenacker. Moi, j'ai un petit rôle, mais je ne vous dis pas tout de suite ce que ce sera. Et alors oui, donc hier, ils étaient en une de Libération parce qu'ils ont des petits soucis avec le fisc. C'est-à-dire qu'ils ont caché au fisc qu'ils étaient propriétaires de deux villas, l'une à Saint-Martin aux Antilles, une autre au Maroc, avec des montages fiscaux assez complexes. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit de Maroc et d'Antilles, mais ça passe par le Panama, un compte offshore à Singapour, etc. Et voilà. Mais tout ça n'est pas vrai. Hein. Je veux dire, ce sont des gens propres et plein de. Respectons ils sont innocents. La présomption de culpabilité, toujours. Voilà, c'est ça. Donc on y va pour la nouvelle série. Le va loir ton univers impitoyable. Patrick! J'ai l'impression que les gens nous en veulent. Oh, c'est tous des jaloux. Mais quand même, là, ça sent pas bon tout de même. Là, on n'a rien à se reprocher, bon sang. Non, mais Patrick, tu crois pas ce que tu dis quand même. Bien sûr que si. Je suis l'homme le plus honnête du 9-2. Ah bah, dis donc, ça en dit long sur le 9-2. Hein. Mais Patrick, mais tu t'es pas devant les juges, là, enfin. Je vois pas de quoi vous parler. Et d'ailleurs, ma femme, Isabelle, est innocente également. Mais Patrick, c'est moi, Isabelle. Ah oui, pardon. Et bon, hey, qu'est-ce qu'on fait alors? Mais je ne sais pas, moi. Patrick, il va falloir qu'on diminue notre train de vie. Hein. Quel train de vie? Mais les villas, les comptes au Panama, les gens de l'Amérique travaillent pour nous à la maison. T'es sûr que c'est illégal? Ah bah ça, oui, certaine, hein, ça... Bon, Linda! Bonjour, monsieur. Je fais la salle de bain et je vais faire la chambre. Désolé, vous êtes viré. Mais c'est qui? Ah, j'ai perdu la ligne. Attends, mais c'est qui? C'est Linda, Linda de Souza. Je l'ai engagée pour la dépanner. Ah, mais tu l'as payée comment? Avec de l'argent. Ah, mais bon, Patrick, il faut arrêter ça. Hein. En fait, quand on engage quelqu'un, il faut déclarer. Ah, oui. Mais si personne ne me dit rien, il faut déclarer à qui? Mais à l'État, enfin, Patrick. Ah, d'accord. J'appelle Sarkozy. Mais non, mais Sarkozy, c'est pas l'État. Enfin, c'est plus l'État, quoi. Ah oui, mais non, mais enfin, si. Qui après, l'État donne de l'argent à n'importe qui, à la culture, par exemple, pour jouer des textes de je ne sais pas, moi, au hasard, Daniel Pénac, par exemple. Oh non, merci, hein. Non, moi, je ne déclare rien. Linda, vous êtes réengagée. Merci, monsieur. Qu'est-ce qui a écrit cette idiotie? Qui a écrit? Je ne sais pas si j'ai eu mal la main dessus. C'est un auteur contemporain, très prometteur. D'origine polonaise, hein, donc il se moque des Portugais. Mais Je n'écris que pour les grands comédiens, Daniel Pénac. Daniel Pénac, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Vous étiez un Patrick Balkany formidable. Je rappelle... C'est un compliment qu'on ne vous avait jamais fait. Ça, moi, si vous cherchez... Je vais lui téléphoner, ça va lui faire plaisir. Si vous cherchez un appartement à Levallois pour ranger vos chaussures, un petit 45 mètres carrés, rien que pour les pompes, on peut s'arranger. Ancien malade des hôpitaux de Paris, c'est à relire dans la collection Folio. C'est aussi au théâtre avec Olivier Saladin dans une mise en scène de Benjamin Guillard. Ce sera à partir du 21 mars au théâtre de l'Atelier, à Saintes les 12 et 13 mai. Et on attend donc avec impatience cette bande dessinée, un amour exemplaire avec Florence Sestac qui paraîtra chez Dargo. Merci Daniel Pénac, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. Merci on a bien ri et on a bien réfléchi aussi. Merci à tous, mes amis. On va se retrouver demain avec votre copine Morane, André Manoukian. Et je laisse le mot de la fin qui décrit la nouvelle situation à Charlie Hebdo, toujours hébergé en ce moment à Libération. Écoute, on est nourri, logé, baisé. Alors excuse-moi, moi je suis que nourri et logé.